Yeah. Pousser les cris nous mènera peut-être à se faire entendre d'ici. Je vois que nos vis dégradent, vite et je gratte, en espérant que ma sphère attente se dissipe au pied du mur, mais en pensant que ça me ferait réagir à quoi. Regarder les autres aller droit dans le décor, ça me ferait réagir à toi. Bonheur dans ce monde tragique en plein cassa. Pour l'heure j'ai le moral en charpie quand je m'en fragile en plein cassa. Vous vu que tout est dépitant, soit voir mes gosses me prendre la main. Sans eux je suis qu'un grand gamin, quand on ne veut pas du tout t'aider qui tangue. Passer trois décennies, blasé je crois mes sénies, rien ne m'empêchera de finir au fond d'une impasse. Trois décennies, on se plaît, toujours dans la riposte, souvent dans le conflit. Parler de ce qui nous ronge quand la rime se pose, sous-entend qu'on flippe. Je traîne, fais les éloges d'un passé mémorable. La nostalgie, c'est sûrement ce qui les pousse à ne pas aimer mon rap. Et je passe en boucle pour en faire le deuil ces années déchirées. Chialer pour un temps soit peu de compassion si ça m'était giré. On parle tous des balafres ou des échymoses, espérant que quelqu'un vienne nous aider qu'il ose. On se réfugie dans l'enfermement et je puisse dans le passé que j'ai zappé quand l'enfer me manque. On parle tous des balafres ou des échymoses, espérant que quelqu'un vienne nous aider qu'il ose. On se réfugie dans l'enfermement et je puisse dans le passé que j'ai zappé quand l'enfer me manque. Mais tu sais, je voulais pas que tout foire, et non, je prendrais plus ton bout. On s'était dit, mais pas tout fort, et maintenant on prend plus le temps pour. Je sais que rien n'est chose faite, je m'en suis lacéré la peau. Cœur gelé pour le réchauffer, t'avais plus qu'à serrer la peau. Fallait passer le récif en galère trouée, rien m'est offert. Y retrouver, cœur étouffé, mais fallait pas le serrer si fort. Y retrouver dans tes affaires qui aurait pu mouiller mes joues. On aurait pu, on aurait dû, on n'a jamais noué des liens. Je me croyais faible en tes avis qui aurait pu noyer mes genoux. On a pu, on n'aurait pas dû. Voir la javel vouer les miens dans ces moments de flou et de ténèbres. Un spliff, un god et c'est qu'un tour. On se parlait plus qu'en SMS, on laissait même flotter 15 doutes. Et constamment, non pas très stable. C'est pas de vos restats. Plein de rester, c'est insultant. C'est contre la mort que la madre est stable. La mare est stable quand elle est noire. Comme le cahier tombé des cieux. Plus qu'un fil entre elle et moi. Plus qu'à fuir comme l'ont fait tes yeux. On parle tous des balafres ou des échymoses, espérant que quelqu'un vienne nous aider qu'il ose. On se réfugie dans l'enfermement et je puisse dans le passé que j'ai zappé quand l'enfer me manque. On parle tous des balafres ou des échymoses, espérant que quelqu'un vienne nous aider qu'il ose. On se réfugie dans l'enfermement et je puisse dans le passé que j'ai zappé quand l'enfer me manque. Pour pouvoir gagner la guerre, faut faire des sacrifices. Je donne tout, mais ce qui sommeille en moi est maléfique. La résine cogne. On cherche l'amnésie, zappé que le mal est fait, un appétit de porc. J'ai pas débit pour mettre en place mes rêves, faut sortir les bras du cul. Y a pas mille solutions, donc j'étale mes pensées pures. L'inspire profusion, j'suis parti dans le précipice. J'attends que la pessimiste de partout on se précipite. Donc j'donne un récit triste. Regarde au fond de mes yeux, tu me diras ce que tu lis. Rien d'idyllique, j'perds l'équilibre. Quand j'ai bu 10 litres, rien s'utilise. Sur ma feuille, c'est mes plaies que j'utilise. Prisonnier de ma mémoire, j'attends qu'un ange me purifie. Les cœurs putréfiés. J'avance même si je suis plus très fier. Aujourd'hui je prends une claque, mais demain je suis plus déter. Si j'aiguise ma plume, gros, c'est pour mieux buter le verre. Mon âme est grise, j'ai trop de lacunes. Du bonheur, je ressens plus l'effet. On parle tous des balafres ou des échymoses, espérant que quelqu'un vienne nous aider qu'il ose. On se réfugie dans l'enfermement et je puisse dans le passé que j'ai zappé quand l'enfer me manque. On parle tous des balafres ou des échymoses, espérant que quelqu'un vienne nous aider qu'il ose. On se réfugie dans l'enfermement et je puisse dans le passé que j'ai zappé quand l'enfer me manque. On parle tous des balafres ou des échymoses, espérant que quelqu'un vienne nous aider qu'il ose. On se réfugie dans l'enfermement et je puisse dans le passé que j'ai zappé quand l'enfer me manque. On parle tous des balafres ou des échymoses, espérant que quelqu'un vienne nous aider qu'il ose. On se réfugie dans l'enfermement et je puisse dans le passé que j'ai zappé quand l'enfer me manque.